d'Ouimana. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 8 mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. C'est la journée internationale de défense des droits de la femme. Au Burundi, les festivités placées sous le thème « La femme au centre des programmes innovants de protection sociale » ont eu lieu en province Gitega, devenue la nouvelle capitale politique du pays. Pour Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM, les femmes burundaises ne devraient pas se limiter aux célébrations superficielles de la journée mondiale dédiée à la femme, mais plutôt organiser des séances de réflexion sur des solutions aux vrais problèmes qui les hantent. Vous l'entendrez. Et certains partis politiques de l'opposition se plaignent contre certains administratifs qui ne leur facilitent pas la tâche dans leurs activités politiques sur terrain. Mais au ministère de l'Intérieur, on les conseille d'aviser l'autorité ministérielle en cas de besoin. Et les sources d'eau alimentant la ville Ngozi continuent à être polluées par des déchets issus des restaurants et de la prison pour hommes, dont Ngozi, notre correspondant, nous le dira. Et à la fin de ce journal dans la chronique environnement, vous aurez droit à la rediffusion des méthodes de correction d'un sol acide. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, c'est ce vendredi qu'a eu lieu la célébration de la Journée internationale de la femme. Au Burundi, cette journée a été célébrée dans la capitale politique Gitega et a été rehaussée par la présence de la première dame, Denise Nkurunziza, et toutes les provinces étaient représentées. Dans sa prière, celui qui a représenté l'Église catholique a prié pour l'unité entre les femmes pour pouvoir mieux représenter le pays. Ces cérémonies ont connu la participation de certains ambassadeurs accrédités à Bujumbura. Les femmes burundaises ne devraient pas se limiter aux célébrations superficielles de la journée mondiale dédiée à la femme, mais plutôt organiser des séances de réflexion sur des solutions aux vrais problèmes qui les hantent. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM, leur suggère par exemple la loi sur le droit d'hériter et l'impunité des auteurs des violences faites aux femmes. Lors d'un point de presse animé ce vendredi, Faustin Dikoumana a estimé que le Forum des femmes devrait être une plateforme apolitique qui s'attaque aux défis de la femme sans considération de son appartenance politique. On l'écoute. Parsem aussi a voulu lancer un message. Nous avons fait des observations, des analyses, des investigations par rapport aux conditions de vie de la femme au Burundi. Notre crainte d'abord, c'est là, c'est sur la façon de la journée célébrée. Cette journée ne devrait pas se limiter aux simples manifestations folkloriques, fêtes, boire, manger. C'est une journée qui devait servir d'occasion de réflexion profonde par rapport aux défis immenses qui hantent la femme burundaise. On devait me dédier une semaine de réflexion pour évaluer les défis ici et là. Les principaux défis que nous avons constatés, c'est d'abord les résultats mitigés de la réduction des violences faites aux femmes par rapport, à cette loi qui a été votée très récemment. On voit que dans certaines communes, même cette situation de ces violences ne diminue pas. Il y a même l'impunité consacrée par les gens qui commettent ces violences, qui se cachent derrière les positions stratégiques et dans les fonctions, parce que les viols continuent, les autorités qui engrossent les enfants, les violences conjugales qui continuent. Et il y a aussi la loi de la sécurité qui a tombé dans les oubliettes, où maintenant la situation est floue. Les femmes dans l'intérieur du pays subissent les contre-coups de cette situation. Il y a les défis liés à la particularité de la femme rurale. La femme rurale dans ces conditions de vie, son autonomisation. Le taux de pauvreté exagéré frappe surtout la femme rurale. En même temps, ingénieurs, ouvriers, agricoles, qui sont devenus pour cette situation de manque de droits de succession, frappe beaucoup la femme rurale. Surtout à redynamiser le forum des femmes, organe qui devait être apolitique, pour mener le combat vraiment en faveur du relèvement des défis de la femme. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Le parti Soania Frodebou affirme qu'il se prépare aux élections de 2020, même s'il se heurte au blocage de certaines autorités administratives qui leur empêchent de mener tranquillement leurs activités politiques. Le porte-parole de ce parti, Phineas Nigawa, se dit par ailleurs surpris par le fait qu'aucune activité n'est en train d'être menée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et regrette également que le projet du code électoral est resté top secret et demande qu'il soit rediscuté avant qu'il n'entre en vigueur. Suivez Phineas Nigawa au micro de Varis. Effectivement, nous entendons que les élections de 2020 auront lieu. Je dis que nous entendons parce que nous ne sommes pas associés comme il faut, parce que tous les outils en rapport avec les élections de 2020 se préparent dans un contexte très difficile où on n'associe pas l'opposition, alors que le Frodebo est un parti de l'opposition. Souvenez-vous, lorsque on a signé la feuille de route, le Frodebo n'a pas signé cette feuille de route. Cette feuille de route avait été préétablie sans être associée. Souvenez-vous, lorsque on a invité dans un atelier d'échange sur la révision du code électoral, nous avons répondu à l'invitation. C'était jeudi, mais ils ont changé la date sans nous avertir. Et le lendemain, ils se sont présentés là-bas et ils ont donné peut-être des suggestions. Mais on a vu que c'était vraiment un miracle d'échange, de consultation, parce que ce projet de révision était déjà sur la table du premier vice-président. Pour le parti Samia Frodebo, nous voyons que le pouvoir veut instaurer le monopartisme ici au Burundi, alors que nous, c'est un parti qui lutte pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie. Nous, pour ces élections de 2020, nous allons y participer, même s'il y a beaucoup de défis. Il y a le projet du code électoral qui n'a pas été consensuel. Et là, qu'est-ce que vous demanderez? Pour le projet du code électoral, nous voyons que d'abord, la CENI semble ne pas exister, alors que c'était un mécanisme qui devrait utiliser ce code électoral. Normalement, la CENI devrait réclamer cet outil. Mais ce que nous voyons, la CENI, maintenant, elle est absente sur terrain. Elle ne rassemble même pas les partis politiques, les acteurs clés pour discuter de ces élections. On se pose la question à 11 mois des élections de 2020, alors que la CENI ne travaille pas. Et même la décentralisation, le démembrement de la CENI n'existe pas actuellement. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que les élections de 2020 auront lieu? Peut-être ces élections auront lieu, mais difficilement. Alors, nous demandons d'abord au pouvoir en place de faire revenir ce projet de code électoral pour qu'on puisse avoir un consensus sur ce projet de code électoral. Phineas Nigaba, c'est le président, il est du parti Sawanya Frodebo. Et de son côté, le porte-parole du parti Uprona estime que le climat politique est favorable sur terrain, même si tout n'est pas rose. Mais Olivier Nkurunziza déplore certains signes d'intolérance politique, comme les drapeaux de l'Uprona de temps en temps arrachés, ainsi que les disputes des jeunes de ce parti avec les militants d'autres formations politiques dans certains coins du pays. Olivier Nkurunziza demande que le climat soit mieux assaini pour une bonne préparation des prochaines élections. On l'écoute, il est au micro de Christelle Anizigama. Aujourd'hui, au niveau du parti Uprona, notre constat est que le parti Uprona, quand il organise des réunions dans les différentes provinces, dans les différentes communes, dans les différentes collines, le parti Uprona organise des réunions sans problème. Et depuis 2015, nous avons visité presque toutes les provinces. Le parti Uprona n'a jamais eu des problèmes avec des administratifs, mais il peut y avoir l'une ou l'autre incident qui s'est passé. Je me rappelle qu'en province Chibitoke, le parti Uprona a constaté qu'il y a eu de l'intolérance politique. Ce n'était pas des administratifs, mais c'était des personnes qui sont venues pendant la nuit et ont détruit une maison permanente du parti Uprona. Ça a montré qu'il y a encore de l'intolérance politique. Mais aujourd'hui, le parti a encore réhabilité cette maison. Il n'y a plus de problème. Alors, mon constat est que le parti Uprona, partout dans les différentes provinces au Burundi, il travaille sans problème, même s'il peut y avoir un problème de malentendu entre l'une ou l'autre personne. Nous avons conseillé, nous avons montré à nos responsables des partis politiques de la base au sommet les procédures qu'il faut emprunter pour trouver une solution, c'est de s'asseoir ensemble avec les administratives pour quand même trouver une solution. Et bien sûr, au niveau du Burundi, ce ne sont pas des anges, il peut y avoir des problèmes, mais l'essentiel est qu'ils s'asseyent ensemble et trouvent une solution. Le parti Uprona se prépare. On se prépare d'abord par les descentes où chaque membre du parti Uprona est interpellé à chercher les membres. Parce que le parti Uprona, quand nous sommes en train de travailler, c'est pour avoir la victoire. Mais aussi, nous tranquillisons la population aussi pour enseigner la paix, l'amour au sein de la population burundaise, d'être toujours fraternel, de travailler comme les églises. Olivier Ngrunziza, porte-parole du parti PRONA et le ministère de l'Intérieur chargé de la gestion des partis politiques, dit n'avoir pas encore reçu de plainte de formation politique dont les activités sont perturbées. Tarcisse Niyongabo, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de ce ministère, affirme que 33 partis politiques agréés sont à l'œuvre et sont traités équitablement. Il les appelle à se confier aux administratifs et au ministère de tutelle en cas de perturbation de leurs activités. Suivez-le, il est au micro d'Elini Bel Nivigira. Aujourd'hui, je voudrais que le climat politique est très bon, surtout au territoire national, surtout que ni condition sine qua non pour que les élections se déroulent dans la tranquillité, c'est la sécurité au niveau du pays. Alors la sécurité, la paix et la sécurité règne surtout au territoire national. Ainsi pour vous dire que nous avons un beau climat pour organiser les élections. Aussi, dans la démocratie, ce sont les partis politiques qui entrent en compétition. Et aujourd'hui, au niveau du ministère, nous enregistrons 33 partis politiques qui sont en activité aujourd'hui sur tout le territoire national. Tous les partis politiques, que les 33 sont à l'œuvre, chaque parti selon ses moyens, parce que tous les partis n'œuvrent pas de la même manière et n'ont pas la même capacité. Nous constatons par les rapports que ces partis nous transmettent annuellement. Il y a des problèmes que rencontrent ces partis politiques sur terrain que vous avez déjà répertoriés. Et jusqu'aujourd'hui, nous, en tant que ministère de tutelle, nous n'avons jamais reçu aucun défi soulevé par tel autre parti politique adressé au ministère de tutelle pour une solution. Le parti Savoignac Frodebou qui dit que certains administratifs communaux provinciaux n'autorisent pas la tenue des réunions de son parti. Ce que dit le parti Savoignac Frodebou, moi je pense qu'il y a vice de procédure. Et pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais dirigés vers ces gouverneurs pour les présenter, ne fût-ce qu'une plainte qui serait observée dans l'une ou l'autre commune. Alors j'inviterai ces dirigeants de différents partis et s'ils ont un malentendu avec un administrateur, ils doivent justement chercher le remède au gouverneur de province, c'est celui qui lui donnera une voie de sortie. C'était Tarcisse Niyongabo, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de ce ministère. Isanganiro, la radio de l'avenir. 8 milliards et 200 millions de francs burundais, telle est l'enveloppe allouée au Fonds national routier par le budget général de l'État, exercice 2018-2019. Les recettes pour ce fonds proviennent notamment de la taxe sur le carburant et le permis de conduire. Un fonds alimenté alors que la voirie urbaine n'est pas régulièrement entretenue, comme s'en plaignent certains propriétaires de véhicules. C'est au moment où la mairie dit s'occuper des rues des quartiers, une affaire donc qui concernerait le ministère des Travaux publics. On fait le point avec Mireille Kanyang. Certains des propriétaires de véhicules passant au rond-point des Nations Unies et empruntant la route Bujumbura-Mutakura se plaignent de l'état de la voirie urbaine. Certains des sénateurs se sont récemment exprimés là-dessus. Au rond-point des Nations Unies, il y a une partie de la route qui mène vers le recycle de Kigobe qui est très endommagé. On se demande à qui revient la charge de réhabiliter cette route. Et c'est la mairie ou l'office de route? Sur l'entretien de cette voirie, le maire de la ville de Bujumbura éclaire l'opinion. La mairie, il récolte de l'argent. Et cet argent, il est ventilé dans plusieurs domaines, aussi dans la voirie. Mais dans la voirie, ce se trouve à l'intérieur des quartiers. Donc, nous ne sommes pas autorisés à réparer. Du côté de la direction des routes, l'on projette boucher les nids de poules sur ces routes. Le rond-point des Nations Unies, c'est normalement, ça devrait être fait dans un système de travaux qu'on appelle les points à temps. Mais parce que c'est un point qui est très menacé et qui est un point qui fait visibilité au pays, nous avons entamé une procédure pour qu'on puisse attribuer à marché à l'une des entreprises locales, comme la série des ponts qui est menacée. Point aussi, rond-point des Nations Unies fait partie des requêtes qui ont été envoyées à son excellence ministre des Finances pour donner son accord au principe. Malgré les lamentations des uns et des autres, le budget général de l'État, exercice 2018-2019, du 30 juin 2018, prévoit un fonds routier national pour un montant de 8 milliards et 200 millions de francs burundais. Le tableau C1 parle des recettes approvisionnant ce fonds. Celles-ci proviennent de la taxe sur le carburant pour un montant de plus de 6 milliards de francs burundais. Elles proviennent également des permis de conduire pour une enveloppe de 63 millions de francs burundais. Ce fonds est également alimenté par la taxe de péage route pour une enveloppe de plus d'un milliard de francs burundais. Le même budget général de l'État exercice 2018-2019 prévoit en ses articles 7 et 42 le fonctionnement de ce fonds. Le sous-point 6 du point B de l'article 42 précise qu'une taxe spécifique de 210 francs est prélevée sur chaque litre de carburant et lubrifiant. Le Conseil des ministres du 21 décembre 2018 avait recommandé à la brigade anticorruption d'enquêter sur le secteur des routes car une certaine opacité s'observe, avait précisé le porte-parole et secrétaire général du gouvernement, insistant sur les conventions pour l'exécution de certains travaux illégalement faits. Merci Mireille Kanyang et le Conseil des ministres de ces mercredis et jeudi a adopté un projet de loi instituant une agence routière du Burundi. Et cette agence regroupe l'Office burundais des routes, le Fonds national routier et l'Agence des locations des matériels. Prosper Nahougouamiye, porte-parole du gouvernement, fait savoir que cette agence aura pour mission principale d'assurer la planification et la construction de nouvelles routes ainsi que la coordination des activités d'entretien du secteur routier. On l'écoute. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l'agence routière du Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre des Transports, des Travaux publics, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. En date du 21 décembre 2018, le Conseil des ministres a analysé une note relative à la problématique de l'entretien routier. Après avoir pris connaissance du problème que connaît le réseau routier ainsi que les solutions préconisées, le Conseil a constaté des dysfonctionnements dans les structures qui s'occupent du réseau routier et a recommandé la fusion des trois entités qui interviennent dans l'entretien routier, à savoir l'Office des routes, le Fonds routier national et l'Agence de location du matériel, pour en faire une seule structure légère. L'équipe mise en place pour travailler sur ce dossier a abouti à la création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence routière du Burundi, objet de ce projet de décret. L'agence aura pour mission principale d'assurer la planification pluriannuelle, la supervision, la coordination des activités d'entretien du secteur routier et de construction de nouvelles routes. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. Prosper Nahougouamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. C'était un extrait de son compte rendu du Conseil des ministres de ces mercredis et jeudi. Et puisqu'on parle infrastructure, sachez que les sources d'eau alimentant la ville d'Ngozi continuent à être polluées par des déchets issus des restaurants et de la prison pour hommes d'Ngozi. Le chargé de la promotion de l'hygiène et assainissement des Irènes d'Aïssaba appelle les tenanciers de ces restaurants et les responsables de cette maison de détention à creuser des puisards pouvant contenir ces eaux usées qui polluent l'environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Certaines méthodes naturelles comme la lutte contre l'érosion et la mise en jachère des terres cultivables peuvent être utilisées pour corriger un sol acide. Salvatore Kaboneka, professeur d'université, fait savoir que même certaines cultures vivrières résistent à un sol acide. La chronique environnement est signée Christella Nizigama. Précédemment, dans la chronique environnement, nous vous avions parlé des conséquences de l'acidité du sol. Cette dernière est source de malnutrition, étant donné que la terre produise peu et sans éléments nutritifs nécessaires à la croissance. Salvatore Kaboneka, professeur d'université, indique qu'il faut recourir aux méthodes naturelles comme la lutte contre l'érosion et l'effet de brousse. Pour l'érosion, on peut. Pour moi, c'est le point d'entrée principal de la lutte contre l'acidification. C'est la lutte contre l'érosion, c'est la limitation, l'interdiction systématique des feux de brousse, les exportations des cultures. Les exportations des cultures, ça veut dire ces éléments nutritifs qui sont pris en dehors du champ à des usages différents. Normalement, on devrait considérer seulement la partie que l'on mange. Le reste devrait revenir à la terre. L'autre méthode est la mise en jachère des terres cultivables qui permet de redonner vie au sol. Normalement, la meilleure méthode, c'est tout simplement la mise en jachère. Laisser reposer le sol. Si je vous ai parlé de ces pertes par les civages, les cations qui ont été importés en en profondeur, lorsque vous laissez reposer le sol en laissant la jachère, cette jachère va absorber ces éléments qui sont en profondeur, les remonter en surface, tout plus ou moins à la disposition de la plante, dont la zone d'absorption généralement c'est dans les 25 cm. Donc la jachère permet de redonner vie au sol. Alors avec la pression démographique, ce n'est plus possible. Donc la méthode naturelle en réalité a des limites. Pour ce professeur, la forêt est le meilleur système de recyclage de ces éléments nutritifs perdus en profondeur par les sivages. Parce que la forêt est caractérisée par une stratification d'enracinement qui permet justement de recycler tous ces différents éléments nutritifs. Le cycle de l'eau est contrôlé pratiquement par ces systèmes forestiers. Les forêts artificielles, lorsqu'elles sont exploitées. Mais ça, c'est des matières que nous avons emportées du sol. C'est aussi le problème d'exportation comme celle des cultures. Vous emportez des éléments nutritifs qui normalement, naturellement, devraient être recyclés dans le sol. À part les légumineuses comme le petit pois et le haricot qui ne résistent pas à l'acidité du sol, certaines plantes résistent, explique Salvatore Caboneca. Et le maïs, effectivement, tolère un certain pourcentage d'aluminium dans le sol. On parle de 20 à 30% d'aluminium. Le blé aussi tolère un peu. Mais la culture typique qui tolère l'acidité, c'est la pomme de terre. Le pH idéal de la pomme de terre se situe autour de 5,5. La culture typique qui tolère l'acidité, ça c'est une culture industrielle, ça c'est le thé. Il y a d'autres qui ne tolèrent pas du tout, je vous donne l'opposé, c'est le sorgho. Le bouton, si dans le temps il y avait tellement de sorgho, mais il n'y en a plus. Et en termes de variété, je suis sûr que l'Isabou peut mettre au point une variété. Salvatore Caboneca, professeur d'université, dit que ces moyens naturels sont quelque part limités par la nature suite à une forte densité démographique qui entraîne une surexploitation des terres. Il faut recourir à d'autres méthodes de correction et de prévention de cette acidité du sol, comme l'utilisation de la chaux. Rendez-vous dans le prochain Chronique Environnement. Ainsi se referme ce journal. Je rappelle que ce 8 mars, c'est la journée internationale de défense des droits de la femme au Burundi. Les festivités placées sous le thème « La femme au centre des programmes innovants de protection sociale » ont eu lieu en province de Gitega, devenue la nouvelle capitale politique du pays. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Un bon après-midi.